On se calme, ouais. Moi, j'ai conduit, mais seulement il est. C'est vrai qu'il était interdit de conduire, mais avec les lunettes, Gérard. Oui, mais non, mais même... C'est dangereux parce que tu vois rien avec les lunettes. Bah oui, tu vois rien. Oui, mais de toute manière, déjà, tu as de la chance de pas avoir eu un contrôle, parce que sinon, ça t'aurait coûté 900 balles en plus. Ah, mais tout ça, les gendarmes, ils regardaient l'éclipse, hein, comme tout le monde. De toute manière, je sais, parce qu'il y a même la RATP qui l'a regardé. Ah, bah, alors. Parce que même les... Ça coûte rien, putain. Bah, tu sais ce que ça veut dire, RATP, Vénusia, Banque Lumière Réponde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retourne avec ta pute. D'accord. Lumière. Oui, bah moi écoute, en éclipse, je vais aller me coucher. Ah bah c'est bah oui, normal. Non mais attends. Je te demande. Lumière. Lumière, la question c'était Lumière, la question c'était peut-on rouler pendant l'éclipse ou marcher? Je te demande pas si t'as dormi, je m'en fous. Il a pas dormi, mais pourquoi? Il a dit qu'il avait été se coucher. Les lumières se sont allumées et c'était très très très beau. D'accord. Sur Limoges, vous l'avez vu alors? Oui, tout à fait. Ah ben l'autre, elle nous a dit que non, alors ça m'étonnerait. Elle disait n'importe quoi, puisque sur Limoges, nous, c'était un ciel bleu, extrêmement bleu, sans nuages. Mm-hmm. Et on a très très bien vu l'éclipse, puisque ici, on a eu la chance de très très bien la voir pendant en plus très très longtemps. Et il va faire quel temps demain à Paris? On n'en sait rien, puis on s'en fout. Voilà, d'accord. Mais ici à Limoges, par contre, en tout cas, c'était entièrement déconseillé de rouler, voire interdit. Il y avait effectivement une amende de 900 francs, je confirme, si on était pris en flagrant délit en train de rouler pendant l'éclipse. Mais attends, bien, Gérard, c'est très bien. On pouvait être arrêté avec le moteur qui tourne, sans avoir le droit. Ah oui, mais ça, de toute manière, c'était bien. C'était conseillé. Ouais, ouais, c'est... Oui, on avait le droit de laisser tourner le moteur. Oui, mais. D'ailleurs, beaucoup de routiers avaient laissé leurs camions arrêtés sur les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Non, sur les bandes d'arrêt d'urgence, c'est interdit parce que. Ouais, mais peut-être, mais ils ont eu de la chance. Mais sinon, c'était. Ils avaient. Ils ont pris une amende, hein. Non, je pense pas parce qu'on n'en a pas eu d'écho. Hein. Sur les informations, on n'a pas eu d'écho nous dire s'il y avait eu des amendes ou pas de. Nous, ici, sur Limoges, on a le journal d'information locale qui a que certains routiers avaient été verbalisés. Hein. Ouais, non, mais ce qu'ils disent sur les journaux, ça fait deux. Hein. Ce qu'ils disent aux infos, c'est pareil. Hein. Donc, faut pas tout mélanger, là. Les journaux et puis les impôts à la télé, c'est pas du tout pareil. Hein. Tu sais, c'est vrai, c'est comme à la radio, mais quand même, moi. Ouais, certaines radios disent ce qu'ils veulent, hein, ça c'est leur problème, hein, c'est pas de nous. Hein. Ouais, GG. Oui. Moi, j'ai eu une amende de 500 balles parce que je me suis fait gauler avec une boulette pendant l'éclipse. Voilà. C'est qui? Est-ce que si tu te fais gauler en train de rouler, ils te filent une amende, mais ils te confisquent le kiff ou pas? Non. Ah bon, bah, ça va. Ouais, ça va. Peut-il y avoir plusieurs éclipses en même temps? On demande à Lumière. Moi, je connais un mec qui s'est fait piquer parce qu'il n'avait pas son casque. 600 balles. Lumière. Moi, ça m'est arrivé, effectivement, de faire des trucs à plusieurs. Ouais, sans casque. Avoir un scooter. T'as chopé une bléno. Non, Vénusia. Oui. Elle est partie. Putain, ça reste avec ça. Merci. Tout ça à cause d'un bléno qui porte pas de casque. Oui, Gérard. Vénusia. Oui, Gérard, je suis là. Donc tu réponds à la question, s'il te plaît? Je t'ai répondu, je crois. Non, peut-on voir plusieurs éclipses en même temps? Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Plusieurs éclipses en même temps, oui. C'est pas possible, Gérard. On peut pas être à plusieurs endroits en même temps. D'accord. De télé. Cratère. Ouais, alors je pense qu'il est carrément impossible d'avoir plusieurs éclipses en même temps, puisqu'il faudrait plusieurs soleils et plusieurs lunes. Ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Non. Rien à voir. Manu, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Hein, non, c'est Léna ce qu'il a répondu. Si t'es pas content de tes auditeurs, t'as quand même choisir meilleur que ça. Rien à voir. Vous vous complétez. Alors là, vraiment, vous vous complétez complètement. Lune de miel pour terminer. Pildar, tu arrêtes à. Mais quoi? Mais y'a rien là. Double son, s'il te plaît. Mais y'a pas de double son là. Tu crois pas que je le vois là-bas? Mais y'a rien là. Écoute, c'est si. Ouais, t'amuses pas. Joue pas au con là. Ça commence pas à me foire le deuxième débat comme t'as l'habitude de me faire. D'accord? C'est pas vrai. Lune de miel pour finir. Moi je voulais te dire que forcément, quand tu vois une éclipse, en fait, il y en a deux en même temps, puisqu'il y a la lune et le soleil. C'est vrai. Donc, forcément, à chaque fois, il y a deux éclipses en fait à la fois. C'est-à-dire sur le soleil, il y a une éclipse de terre sur le soleil? Il y a une éclipse de lune et une éclipse de soleil. Oh, c'est magnifique. Tu vois? C'est magique. C'est beau quand tu parles. D'accord. Gérard. Oui. Et si imaginons deux instances. C'est qui? Précise-toi. Lumière. Ton nom. Ouais. Lumière. Imaginons qu'on soit sur la Lune.